What? Uh-huh. Hey. Are you ready to jump? I'ma say now we be jump up. Jump up. I'ma say now we be jump up. Hey. Babylon make me jump up. Hey. I'ma say now we be jump up. Hey. Tu veux lever ton verre, c'est run, run, run. Hey. Tu veux draguer la meuf, c'est run, run, run. Hey. Tu veux chercher boulot, c'est run, run, run. I say run, run, run, because we run, run, run. Je ne m'autoproclame pas l'élu, au nom des exclus. Je tâte juste quelques rimes avec un prime, un brin de haine. Sans foi ni loi deviennent les hommes à cause des règles que nous impose le système qui nous pousse à la haine. Babylon, do me jump up. Hey. I'ma say now we be jump up. Hey. Babylon make me jump up. Hey. I'ma say now we be jump up. L'arme à l'œil, le cœur noué, Babylone enchaîné. Faites un effort, tournez vers le ciel, Babylone va décaler. Tant de tabous qui nous séparent, Babylone et son armée. Une seule issue pour s'échapper, Babylone dépassée. Pensez qu'on oublierait, voilà en gros les faits. Maintenant le mal est fait, est-ce que ça les effraie? On vient comme on est, ou elle c'est les décès. C'est toi Babylone qu'on défait, et tout est méfait. Je m'en irai sur la montagne, fuis m'évader, respirer la nature. Qui fait mon spleen devenir nature. Le monde est plus qu'il est au temps du King Slashel. Les gens sont tous speed because Babylon don't dead. Le temps ça coûte un prix, mais le prix de l'esclavage c'est quoi? Dans souffle le monde victime dans tous les niveaux, tous les étages. Je jure qu'ici c'est fini les droits de l'homme. Je lève mon bras minute pour sortir la vérité de l'ombre. Babylon do me jump up. I'm a sinner we be jump up. Babylon make me jump up. I'm a sinner we be jump up. Il est temps qu'on te le dise, tu vas payer. Pour toutes les fautes que t'as commises, tu es jugé. Pas de pardon, pas de remise, c'est terminé. Ultime recours après les assises, c'est à couvert. Nos âmes s'élèvent pour te le redire, tu ne peux plus bouger. Tes mensonges face aux vérités, impossible de parler. Plus d'une minute de silence, je viens demander. Ton châtiment t'en donné, tu n'as qu'à écouter. Babylon, do me jump up. I'm a sinner, we be jump up. Babylon make me jump up. Are you ready to jump?